J'ai trop de sentiments, maman. Tes prières sont mes médicaments. Dis-moi ton fils t'ont grandi. Au fond toi tu le savais. Que toutes ces belles mélodies allaient te donner le sourire. T'as des problèmes de santé, t'es toujours à la maison. Merci pour tous tes conseils. Y'a que toi qui as raison. Tu es mon diamant, mon remède. Respect pour tout ton courage. J'ai trop de sentiments, maman. Oh maman, ma maman. Tes prières sont mes médicaments. Oh maman, ma maman. T'es la plus belle chose qui m'arrive. Oh maman, ma maman. Le son de ta voix me soulage. Oh maman, ma maman. J'ai trop de sentiments, maman. Oh maman, ma maman. Tes prières sont mes médicaments. Oh maman, ma maman. C'est la plus belle chose qui m'arrive. Oh maman, ma maman. Le son de ta voix me soulage. Oh maman, ma maman. L'argent de la musique pour te mettre à l'abri. Mais aujourd'hui, ton petit a grandi. Concert rempli, t'aimes à ton fils pris. Et je t'aime, c'est la vie. J'ai trop de sentiments, maman. Oh maman, ma maman. Tes prières sont mes médicaments. Oh maman, ma maman. T'es la plus belle chose qui m'arrive. Oh maman, ma maman. Le son de ta voix me soulage. Oh maman, ma maman. J'ai trop de sentiments, maman. Oh maman, ma maman. Tes prières sont mes médicaments. Oh maman, ma maman. T'es la plus belle chose qui m'arrive. Oh maman, ma maman. Le son de ta voix me soulage.